Io mi vedo io. Hello. Porto. Hello. Mi va bene. Comme veux-tu que je vous oublie? Tous mes amis parlent de toi. Mais je voudrais la laisser. Je ne veux pas la quitter. Comment veux-tu? Mes amis, parle de toi. Je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas la quitter. Je m'en laisser tout seul abandonner. Elle va téléphoner à cantando muy sabor. Elle va laisser tout seul abandonner. Elle va me déborder. J'entends de moi sa voix. Je serai consolé. Comme veux-tu que je l'oublie? Tous mes amis, je ne peux pas la laisser. Elle est à moi pour la vie.